Chapitre 6. Un petit pays accroché à la montagne. Laissons derrière nous l'Autriche, où les nuages jouent gaiement à cache-cache avec les sommets encore enneigés, nous avons l'impression d'entrer dans un autre siècle, gris, sinistre et abandonné à lui-même, sans doute à cause des maisons, couleur du temps pluvieux. Sommes-nous bien dans le pays socialiste de Tito? Je ne l'imaginais pas aussi triste. Mais avais-je imaginé quoi que ce soit, en fait? Nous bifurquons au hasard vers la petite ville de Bled et laissons la voiture au pied du château, accrochée à un surplomb rocheux. Les foucades d'une averse nous chassent dans les salles où les armures et les hallebardes voisinent avec les meubles de belle marqueterie. Rien de bien original dans cette forteresse moyenâgeuse. Après cet aperçu d'une page d'histoire de la Slovénie, je contemple depuis une fenêtre la nappe bleue du lac en contrebas, enserrée entre ses rives boisées et l'altière barrière des cimes lointaines, plus au nord. Sous le soleil revenu, la beauté glacée de carte postale me captive sans m'émouvoir profondément. Je me demande seulement si les seigneurs féodaux étaient sensibles à cette splendeur de la nature. La température assez clémente au niveau du lac nous convie à une promenade en gondole jusqu'à un minuscule îlot, lequel, avec son orgueilleuse église vouée à la Vierge, émergeant d'un moutonnement de verdure, rappelle à Klaus l'île des morts de Böcklin, ce que je ne peux présentement vérifier. Pourtant, ce n'est pas une destination sinistre. Un carillon endiablé nous reçoit, encens et baroque doré, Rome n'est pas loin avec son décor païen. Nous poursuivons notre route vers Kropa, un petit village sinuant le long de son torrent, et rentrons, un peu par hasard, dans une ancienne forge du siècle dernier, transformée en musée. Le guide, affublé d'un grand tablier de cuir passé sur ses habits du dimanche, fait des démonstrations, et chaque enfant présent se voit remettre un clou de sa fabrication. Vieille chose, chose morte où seul le feu ranime quelques instants, le dur et patient labeur d'un passé récent, à jamais fossilisé. Une flottille de nuages tristounés dérivant doucement entre les collines nous accueille ensuite à Idrija, où nous visitons une mine de mercure. Suite à mon insistance, car Klaus aimerait filer vers la mer au plus vite. Sous une envolée de cloches vespérales, nous déambulons ensuite dans la petite ville aux maisons essaimées dont la vallée étroite et sur les flancs des collines jusqu'à un château fermé, vu l'heure tardive. Un passé de 500 ans s'écaille sur la façade des massives maisons montagnardes, percées de petites fenêtres à quadruple battant. Du linge s'agite dans les jardins. Le bois est bien rangé sous les montées d'escaliers à même la rue. Des enfants jouent dans les cours, des adolescentes se promènent en se donnant le bras, comme partout. Des gens bien habillés sortent d'une église parée de couleurs fraîches. Visiblement, le catholicisme est ici encore très vivace. La pluie battante nous pousse à chercher un hôtel, car beaucoup de nos affaires sont mouillées. Dans l'immense bâtiment de style stalinien où nous atterrissons, on nous sert un dîner frugal. Bouillon ou nouilles, tranches de viande indéfinissables et légumes de conserve nappés de sauce épaisse. Après, nous descendons au sous-sol de l'hôtel, d'où montent les flonflons d'un bal au décor désuet et à l'ambiance guindée. Ici, pas de musique anglo-saxonne. J'esquisse quelques pas de polka dans les bras d'une vieille dame qui m'a invitée. Lors d'une pause, un groupe de musiciens slovènes chante des airs traditionnels, puis deux jeunes danseurs professionnels s'envolent dans une valse aérienne. Assaillie par une migraine soudaine, je ne tarde pas à monter dans ma chambre, tandis que Klaus reste boire une bière avec un groupe de jeunes gens déjà fortement éméchés. Au petit déjeuner, je me lie dans la salle à manger avec un groupe de personnes âgées originaires d'Aumetz, une bourgade de la Lorraine du Fer jumelée avec Idrija. Parmi ces dernières, beaucoup de veuves d'origine slovène, italienne, polonaise, ukrainienne, hongroise, allemande. Certaines ne sachant visiblement pas quoi faire de leur argent et de leur temps, voyagent beaucoup. Bon repas, prise en commun, danse, visite des monuments et lèche-vitrine. Les chevilles gonflent, on déclame la maladie sur tous les tons, ou on la camoufle, selon les tempéraments. Après le vin et la bière, on ingurgite force pilules, me racontent Marie et Antoinette, assises à côté de moi. Klaus ayant décidé d'aller se promener seul, suite à l'une de ses bouderies de plus en plus fréquentes, j'accompagne le groupe de touristes français dans une école de dentelle pratiquée ici comme un art raffiné. Puis je vais marcher avec Marie et Antoinette dans une forêt voisine. Les jambes lourdes, elle ne tarde pas à s'affaler sur un banc, tandis que je poursuis ma promenade jusqu'à un lac d'émeraude, dormant dans son écrin de falaises abruptes. Un homme d'une petite quarantaine d'années qui fait son jogging dans les parages s'arrête et me salue. Je lui réponds en français et en allemand, ce qui le fait sourire. « D'où venez-vous ? » me demande-t-il dans un excellent allemand, à peine teinté d'un accent slave. « Vous êtes beaucoup trop jeune pour faire partie du groupe des Lorrains. Vous les connaissez ? Beaucoup viennent ici tous les ans. Nous voyons souvent certaines dames flâner fièrement dans la ville, comme des duchesses. J'ai lié connaissance avec deux d'entre elles à l'hôtel, mais je voyage avec un ami allemand. Dites, vous parlez drôlement bien la langue de Goethe. Je l'ai apprise à l'école. À l'époque où les nazis ont occupé notre haute carniole, qu'ils voulaient rattacher au Grand Reich, ils ont essayé d'éradiquer notre langue et notre culture. Comme en Alsace et en Moselle, chez nous. Oui, c'est ça. Ah, l'Allemagne. Et dire que je travaille pour elle maintenant. Comment ça? Je suis maçon à Hambourg. Si vous aviez vu dans quel état était encore la ville quand j'y suis arrivée en janvier 47. En 47? Je voulais partir en Amérique pour fuir la Yougoslavie communiste de Tito. Le régime prenait une tournure qui ne me convenait pas du tout. Je pensais que ma maîtrise de l'allemand et mon nom germanique me permettraient de trouver un bon filon en Allemagne pour quitter l'Europe. Mais j'ignorais à quel point plus rien ne fonctionnait dans le pays après la fin des hostilités. Toujours est-il que j'ai atterri à Hambourg après des pérégrinations hasardeuses et éreintantes. Le port était pris dans les glaces et aucun bateau ne partait. Après m'être fait piquer ce qui me restait d'argent par une bande de jeunes voyous sans doute affamés, je me suis retrouvée dans une situation semblable à celle de nombreux réfugiés des anciennes zones orientales de l'Allemagne, complètement perdus dans une ville fantôme. D'ailleurs, on me prenait pour l'un d'eux, ce qui me permettait d'obtenir des tickets de ravitaillement. Le spectacle de la ville était cauchemardesque. Comment ça? À ce point, les quartiers entiers n'étaient pas encore complètement déblayés. Il y aurait eu 45 000 morts. Vous vous rendez compte? Les Britanniques s'en sont donnés à cœur joie avec leurs joujoux de mort. Ce sont surtout les quartiers ouvriers qui ont été touchés. À Blankenese, un quartier résidentiel, les villas des grands bourgeois étaient presque toutes intactes. Des soldats libérés des camps soviétiques erraient à la recherche de leurs maisons et de leurs proches, souvent disparus. Les gens s'entassaient dans des caves ou de grandes baraques de tôle où l'intimité était impossible. Des orphelins et des infirmes traînaient parmi les décombres. Ce n'était pas beau à voir. Avec ça, un froid polaire, des queues interminables devant les rares magasins, le marché noir, des vols et des meurtres pour se nourrir, s'habiller, se chauffer, des rats partout, la saleté, la puanteur. Ah oui, elle est belle, la guerre. L'année dernière, quand j'ai visité Hambourg, tout m'a semblé normal. Les Allemands ont été efficaces pour reconstruire. Leur sens de l'organisation est incroyable. Mais vu le manque d'hommes dans le pays, ils ont dû faire appel massivement à des étrangers pour remettre la machine en marche. Vous avez abandonné votre rêve d'Amérique? Je suis tombé amoureux d'une gentille petite Allemande qui travaillait comme femme de ménage dans une école qui fonctionnait tant bien que mal. Le premier enfant est né l'année suivante et nous avons pu nous marier, ce qui m'a permis de régulariser ma situation. Évidemment, je n'ai pas eu de mal à trouver du travail. Vous n'avez jamais eu envie de retourner vivre dans votre pays natal? L'Allemagne, en ce moment, c'est encore l'Eldorado pour nous. Son essor a été fulgurant. Le travail ne court pas les rues en Slovénie et les salaires y sont bas. Nous avons maintenant un logement social très correct à Winterhude, un quartier au nord de Hambourg. C'est fini l'époque des bicoques sans eau ni électricité, avec des latrines communes au dehors. Vous êtes en vacances en ce moment? Oui, dès que je peux, je retourne voir mes vieux parents et ma si belle carniole. Savez-vous que ce lac, par exemple, est profond de plus de 100 mètres? On y trouve une espèce rare de protée, une salamandre blanche au corps d'anguille. Mais je vous embête avec mes histoires. Non, non, vous m'avez appris plein de choses. Votre vie est un vrai roman. Je ne vous en ai conté qu'une petite partie. Mais il faut que j'y aille, répond l'homme qui, après avoir jeté un coup d'œil sur sa montre, me fait un petit salut de la main. Après son départ, assise sur une pierre plate, je goûte dans ce lieu solitaire une paix profonde que je voudrais éternelle. L'Allemagne vient encore de me rattraper ici, me dis-je. C'est tout doucement que je rejoins les vieilles dames dont les voix sonnent haut dans l'environnement feutré, où, curieusement, on n'entend pas un seul oiseau. Marie, petite femme maigrichonne, parle avec enthousiasme de ses amours avec un jeune veuf. Fred, c'est un homme, un vrai. Avec lui, je monte jusqu'au 7e ciel. Ah, si vous saviez! Antoinette, qui suit bouche bée les révélations de sa compagne de voyage, s'exclame soudain, elle aussi, avec une lumière extraordinaire dans les yeux. Mon mari est mort, voici 3 ans, d'un cancer au foie. Il faut dire qu'il buvait comme un trou. Tous les jours, je vais sur sa tombe. Mais j'avoue que si je trouvais quelqu'un de sérieux, je ne le repousserais pas. Il faut sortir, aller danser. Les occasions ne manquent pas dans nos villages. Oui, je devrais essayer. Qu'est-ce que j'ai à perdre? En mon fort intérieur, je m'étonne moins de l'impudeur de ces femmes que de leur formidable appétit de vivre. Je m'interroge. Qu'est-ce donc que monter au 7e ciel? Qu'est-ce que je connais de la vie? Au déjeuner, quasiment toutes les femmes se sont mises sur leur 31. Deux d'entre elles, sorties à l'instant d'un salon de coiffure, défient avec hauteur les regards au moment de s'asseoir à table. Les présents sont amèrement déçus qu'on leur serve des morceaux de pain rassis en sauce et du chou râpé en vinaigrette. Autrefois, me dit Marie, c'était un festin tous les jours. La gérante semble lésiner sur tout. Pourquoi? Je crois que la Slovénie va mal. Les estomacs mal rassasiés sont mécontents. Grise mine. Les tensions entre les petits clans s'exacerbent. Le poison des médisances et des mesquineries manifestes gagne. Il vicie les tempéraments les plus pacifiques. Klaus a l'air si maussade lui aussi que je ne tarde pas à monter dans ma chambre en l'ignorant ostensiblement. Sans doute me reproche-t-il mon attitude indépendante, mais aussi mon manque de passion et ma froideur. Qui puis-je s'il ne bouleverse ni mon corps ni mon cœur? Ne vivons-nous pas comme deux petits vieux, peut-être même pas liés par une chaude affection? L'extase partagée devant les beautés des paysages et les œuvres d'art ne constitue certainement pas un socle suffisant pour entamer une vie commune. Par la fenêtre de ma chambre, je contemple mélancoliquement le paysage guéret. Un peu à ma droite se dresse l'église, tout là-haut sur la colline, avec ses tuiles rouges et sa flèche audacieuse. Les chalets aux toits pointus s'étagent sans monotonie entre les vergers et les jardinets fortement pentus. Ici, une jeune femme et son fils piochent avec énergie. Plus loin, une imposante matrone soulève le nylon de sa serre et couvre quelques instants du regard ses semis. Tout près, des ouvriers montés sur un échafaudage repeignent une maison. Comme ailleurs, les gens vont leur train-train et assurent leur survie, jour après jour. Klaus me rejoint et pose sa main sur mon épaule. « Quand allons-nous partir ?» dit Liebling. « J'aimerais bien visiter encore l'hôpital militaire de Franja avec le groupe. C'est tout près d'ici, à 20 km. Tu m'exaspères, tu sais. Pourquoi ? Parce que je fréquente des femmes d'ouvriers ? Parce que j'aime connaître et comprendre le monde dans lequel nous vivons ? Crois-tu que les plages croates m'intéressent ? Ne pouvons-nous faire des compromis ?» Klaus acquiesce et abandonne un instant sa tête contre mon épaule. Cela a tout l'air d'une joyeuse randonnée sur un sentier romantique, rythmé par le chantonnement de l'eau en contrebas et le tumulte de ses chutes d'eau sur les saillies rocheuses. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sentier n'existait pas, explique le guide. On passait dans le torrent avec les civières et on contournait les cascades par les rochers glissants sans sortir du val escarpé. Des centaines de partisans blessés furent ainsi acheminés là-haut, de nuit et les yeux bondés, afin qu'ils ne puissent reconnaître les lieux. Parvenus sur une plateforme où des cabanes barbouillées aux couleurs de la montagne enjambent le torrent de leur pilotis, le groupe des touristes s'éparpille au gré de son inspiration entre une dizaine de baraques. Salles de radiologie et d'opération qui font presque sourire par l'aspect vieillot de leur appareillage, soigneusement rangées dans une armoire vitrée, cabane d'isolement, chambre tapissée de bas-flancs pour le personnel et les blessés, cuisine et salle à manger tenant du refuge de montagne, remise avec ses lampes tempêtes mangées par la rouille, buanderie et salle de bain avec grande baignoire et fourneau. Un cataclysme semble avoir stoppé net cet hôpital clandestin dans son fonctionnement. Les gravures sont restées accrochées au mur, la grosse marmite de fonte noire attend sur un fourneau qui pourrait encore ronronner par un petit soir frisquet avec son tas de bois à proximité. Les couverts sont mis sur la table. Combien d'hommes ont souffert dans ces lieux? Les sueurs froides que donne une guerre sans merci dans un endroit si vierge m'apparaissent hautement surréalistes. Le silence gris des murs qui ont retenti de hurlements et de gémissements reste chargé d'une malédiction indéfinissable et d'ondes nocives. Pourtant, le soleil luit, les eaux clapotent et les oiseaux chantent. En redescendant vers l'autobus, un Français d'origine slovène, pour lequel ce n'est pas le premier pèlerinage en ces lieux, nous montre des tombes égaillées sous les herbes folles le long du torrent. « Mon frère a été fusillé quelque part dans cette contrée, dit-il, des sanglots dans la voix. C'était en résistant à l'occupation nazie. Je ne sais pas où est son corps. J'ai adhéré au Parti communiste à la libération. J'espérais, comme beaucoup alors, en l'avènement d'une société plus juste et plus fraternelle. Je suis fier de ce pays qu'est la Yougoslavie. Grâce à Tito, ces peuples s'entendent à peu près. » Klaus, qui n'a pas dit un mot pendant la visite, répond. Espérons. N'est-il pas illusoire d'espérer en un monde neuf? Le vieil homme hoche la tête. Le combat n'est jamais gagné. Revenus à l'hôtel, nous faisons nos adieux aux Lorrains qui s'apprêtent à retourner en France le soir même. J'embrasse Marie et Antoinette, le visage fortement congestionné par un petit verre qu'elle a dû aller boire dans sa chambre. Cette dernière entonne tout à coup, avec une innocence égrillarde, des chants ayant valu, selon elle, à son père, un Allemand originaire de Hongrie, une forte peine de prison après la fin de la guerre. Chez elle, l'ivraie semble intimement mêlée au bon grain, contenu dans la multitude de sages proverbes allemands dont elle parsème sa conversation. Curieuse bonne femme! Adieu, la haute carniole! Départ vers le sud-est en direction de la côte d'Almat. Escarpement difficilement pénétrable, végétation touffue et exubérante, nid de cigales suspendues aux branches des mélèzes. Partout l'eau joue avec le calcaire dans les dolines. Comme toujours, quand j'aperçois un sentier s'enfonçant dans cette campagne tourmentée, je voudrais l'emprunter pour pénétrer au cœur des mystères de cette terre. Mais Klaus a hâte d'aller rejoindre une plage sur la côte adriatique. Halte à Postojna, avant de laisser derrière nous les Alpes juliennes. Parois rocheuses tapissées de verdure indescriptible, enchevêtrement de cavernes et de galeries. Féerie des concrétions, jungle pétrifiée, nouvelle source d'inspiration pour Klaus. J'aperçois le fameux protée anguillard à la peau blême, l'emblème de la Slovénie selon le guide. Un homme très grand, massif, d'une singularité extraordinaire. Tout en fumant tranquillement sa pipe, il regarde les femmes avec une voracité qui remue jusqu'aux entrailles. Est-ce ce genre de mâle à la virilité écrasante qui rend folle des femmes comme Marie? Klaus n'a pas encore efféminé, loin de là. Bien que ses mains, fines et blanches, manquent littéralement de poigne, d'après moi. Mais de loin, au milieu de la foule, je constate froidement qu'il a peu de présence.